En ces temps ici, on jouait rien qu'à la longue. Dans ce qu'on appelle aussi jeu provençal, le pointeur ne doit prendre appui que sur un pied, et le tireur doit lancer sa boule après un élan de 3 pas. L'histoire nous dit qu'en 1907, un joueur de la Ciotat, victime d'un accident qui le contraignait à rester assis sur une chaise, a lancé des boules dans cette position, ce qui a ouvert la voie à un jeu à pied tanké, à pied coincé, autrement dit, à pied immobile, pas nécessairement pieds joints. Des mauvais esprits prétendent que ce jeu existait ailleurs de manière embryonnaire. Médisance de jalousas, de gros jaloux. Les jours de concours, tous les terrains sont pris. De loin, on entend les chocs de boules lancés par les tireurs. Ça castagne de partout. Et l'équipe qui gagne au tirage au sort choisit le terrain lorsque celui-ci n'est pas imposé par les organisateurs. L'hiver, les joueurs se mettent à la cale, à l'abri du vent et au soleil. En revanche, l'été, ils préfèrent l'ombrette. Ils évitent les lieux trop exposés. Ils fuient la dardaillade. On peut dire qu'ils fuient le cagnard, le soleil brûlant. Terme qui évoque aussi un lieu ensoleillé à l'abri du vent, ce qui rejoint le premier cas de figure. Si le vent soulève de la poussière, il est bon d'aziguer le terrain, de l'arroser. Mais il ne faut pas trop arroser, sous peine de faire un fangas, un bourbier. Il n'y a pas le port! En termes officiels, la distance de jeu n'est pas respectée. Il faut relancer le bouchon. Le règlement exige que lors des parties entre adultes, le bouchon s'arrête entre 6 et 10 mètres du rond, distance réduite pour les plus jeunes. Le port, c'est aussi la distance du rond à laquelle le bouchon est effectivement jeté. Si on n'est pas loin de 10 mètres, il y a bon port. Autrement dit, ça fait une estirade, une bonne longueur. Le bon joueur sait à quel moment il faut changer le jeu pour déstabiliser l'adversaire. Par exemple, il décide de jouer de Galice. Prendre un terrain de Galice, c'est le prendre en biais. Dans d'autres circonstances, le joueur peut aussi prendre une position de Galice en déportant son corps par rapport au rond afin de trouver une meilleure solution pour lancer sa boule. Il sait à quel moment il faut jouer debout et à quel moment il convient de s'accoucouner, de s'accroupir. En patois, le cap, c'est la tête. Encaper, c'est comprendre. Le joueur qui encape le jeu sait comment s'y prendre. Il perçoit les caractéristiques du terrain et s'adapte. Il sait aussi déjouer les ruses de l'adversaire qui souhaite porter la confrontation sur son terrain de prédilection. On va pas jouer là. Tu connais le terrain par cœur. C'est ton pétoulier. Pétoulier, l'endroit où le lapin vient de fianter.